Le conte de fées par Henri Duvernoy. Pierre Aurignac et Jean Bette gravissaient les Champs-Élysées vers la gloire du soleil couchant. Ils ne parlaient ni automobilisme, ni politique, ni finance, ni amour, dans le sens grossier que les jeunes hommes attribuent parfois à ce terme. Ils s'entretenaient d'art et de poésie. Je crois bien que nous sommes les derniers à nous préoccuper de sujets pareils, sourit Jean. Quel blasphème, protesta Pierre. Il n'y a pas un être humain, pas un seul, entends-tu, qui soit complètement insensible à la beauté. Oh, toi, avec ton optimisme. Crois-tu que ce jardinier ne comprenne pas le charme de ces fleurs? Crois-tu que ce vieux cocher ne saisisse pas aussi bien que toi et moi la grâce de Paris dans le crépuscule? Ils savent moins bien s'exprimer, voilà tout. Je ne vois que des poètes, et les plus sincères ne sont pas ceux qui cherchent la rime, évitent les répétitions, et s'astreignent à un travail d'écolier. Il dit et fit un geste si large qu'il atteignit avec sa canne le mollet d'une petite femme qui passait au bras d'une amie. « Ah, le mufle !» s'écria la petite femme. « Vous ne pouvez pas faire attention. Crème de panouille, essence de pocheté. D'où qui sort ce pezzouillard-là? Regardez-moi ce profil de pied de chou. Retourne à tes patates et cambrousard. Je vous demande mille fois pardon. » S'excusa Pierre. « Je vous ai fait mal. Andouille, avec ta hurle d'anémique. » « Ah non, ça va, Marcel, ça va !» interma l'autre petite femme, conciliante. Mais Marcel haussa furieusement les épaules. Habillé d'une courte robe de soie cerise, coiffée jusqu'aux oreilles d'une taupe ponceau d'où s'échappaient des mèches blondes et folles, elle montrait un mince visage que la colère rendait cramoisi. La bouche tordue, l'œil étincelant, rouge de la tête aux pieds, elle poursuivit. « Quoi, ça va? Lâche-moi le coude, n'est-ce pas, Adeline ?» « Je ne vais tout de même pas me laisser maltraiter par une brute, sous prétexte que je suis une dame seule. Touchez-moi encore un peu avec votre canne, vous là, le haricot vert. Touchez-moi un peu pour voir si j'ai du sang dans les veines. Je vous attends, je ne prends même pas mon épingle à chapeau. Non, mais des fois, chiche que je vous dis, chiche, mais tue-moi donc, crapule, aussi lâche que brutal, tenez. Je n'ai pas peur de vous, vous savez, j'en ai vu d'autres, en fait de chameaux, et je n'ai pas reculé. » On sait qui je suis. Je paye mon loyer, mes contributions. Je me promène, tranquille et tout. Je ne dis rien à personne. Et il me met un coup de canne. Je te méprise. Voilà ce que t'es, avec ton nez gras. Ça n'a peut-être pas seulement de quoi faire ressembler ces croquenots. Et ça cherche des raisons au monde. Purée. Allons, ça va, Marcel, ça va, répéta Adeline. Tu te montes, tu te montes. « Puisqu'il s'est excusé, ça va. Viens-t'en donc, Marcel. »« Je lui ai pas dit le quart de ce que j'ai sur le cœur, » éclata Marcel. « Regardez-moi cet idiot avec son bâton. Quand on ne sait pas s'en servir, on le laisse chez soi, à la ferme. Il m'aurait crevé l'œil si je n'avais pas paré. Le monde peut bien s'attrouper, je ne crains personne. Vous n'avez donc jamais rien vu, tas de nouilles, visez-le. » C'est un moins que rien, qui bat les dames avec sa canne, sauvage. Tiens, je vais le faire arrêter. En voilà assez, siffla Jean entre ses dents serrées. Laissez-nous tranquilles, et vous, faites taire votre ami ou sinon. Je ne peux pas, déplore Adeline. Quand ça la prend, elle n'en finit plus. Ce n'est pas qu'elle soit mauvaise, seulement elle est tout nerf, et il faut toujours qu'elle s'explique. Des veaux qui se mettent à deux, reprit Marcel. Vous seriez mille qu'on ne m'empêcheriez pas de vous appeler beau pourri, sale volaille. Il n'y a pas un être humain qui soit insensible à la beauté, glissa Jean, ironique, à l'oreille de Pierre, tandis que la petite femme, ayant pris haleine, poursuivait. On sait ce que tu viens y fabriquer aux Champs-Élysées, espèce d'épluchure, raclure de poubelle, maudit. Pierre continuait son chemin paisiblement. La douce et prudente Adeline marchait un peu en arrière avec Jean. Les autres avaient l'air maintenant d'un couple en dispute. Les badauds s'étaient lassés. Le crépuscule pourpre sombrait dans des écharpes de crêpe. « Je vais vous raconter une histoire, » dit Pierre à Marcel. « Sale individu, voyou !»« Oui, je vais tout de même vous raconter une histoire. » Il était une fois un prince, beau comme les amours, qui habitait un palais de cornaline, de cristal et d'écailles. « Et l'ouf avec ça, ce vendu-là !» Oui. Il s'appelait le prince Liseron. « Je m'en vais. » « Oui. » Sa bouche était si petite et si vermeille que les oiseaux, s'y trompant, venaient la becqueter comme une cerise. Il avait de beaux cheveux noirs, la peau la plus blanche du monde une taille fine et souple. Quant à son regard, il allait jusqu'au cœur des demoiselles et les laissait éprises pour toujours. Comme il était très bon, il baissait en général les paupières. Un jour, cependant, il contempla une pauvre jolie bergère qui ramenait ses moutons. La malheureuse en fut si mortellement atteinte qu'elle s'évanouit sur le champ. Le prince passa, les moutons se dispersèrent, et la bergère revint seule au logis où l'attendait une épouvantable marâtre. « Qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter ?» demanda Jean à Adeline. « Je ne sais pas. C'est phénoménal. Elle ne dit plus rien. Elle le suit. » Pierre continuait. « Qu'as-tu fait de tes moutons ?» cria l'horrible vieille, qui était boiteuse, chasseuse et goitreuse. « Tu vas mourir !» Et elle enferma sa victime dans un cachot dont les murs avaient 3,50 mètres d'épaisseur et dont le sol était tapissé d'une boue infecte. La petite bergère n'avait pour boire et pour manger qu'une cruche pleine d'eau saumâtre et un quignon de pain moisi. Mais elle ne sentait ni la faim, ni la soif, ni le froid. « Tu vas mourir !» hurlait toujours la belle-mère. En vain, car ce n'était plus sa voix que la pauvrette écoutait, mais celle de son bien-aimé qui lui disait « Je t'aime. Prends patience. La souffrance n'est que du bonheur qui se prépare. L'hiver n'est là que pour le printemps, et la nuit attend l'aurore. » À ce moment, la hideuse cruche devint un nappe incrusté de perles, de topazes et d'améthystes et rempli jusqu'au bord d'un vin doré et parfumé. Le quignon de pain se mua en un pan truffé, servi avec toutes ses plumes étincelantes sur un plat d'or rehaussé de béryl et d'émeraude. Le cachot s'illumina pour l'humble pastourelle, comme jamais palais ne flamboya pour les noces d'une riche princesse. Une suave musique retentit. Harpe et viol de gambe, lutte caressée par des doigts angéliques. Marcel mesurait son pas à celui de Pierre. Elle gardait une main sur sa poitrine pour comprimer les battements de son cœur. Sa bouche n'était plus tordue, mais tremblante d'émotion. Elle offrit à son compagnon un visage bouleversé, aux yeux pacifiés par les larmes. « Et après, vite, monsieur, après » supplia-t-elle. C'était le conte de fées par Henri Duvernois.